Les grands feuilletons de France Culture. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. C'est vous, Clara? Oui, monsieur. Mais est-ce que vous savez l'heure? Entrez. Bon, enfin, c'est de la folie, Clara. Je vous ai pas demandé mon petit déjeuner, alors. Monsieur, c'est un monsieur qui demande monsieur. À 8h du matin? Alors que... je n'ai même pas encore pris mon sacro-saint café matinal. Alors là, vraiment, Clara, je vais me mettre en colère. Oh non, monsieur, ne faites pas ça. Monsieur est si bon. Ah oui, mais enfin, qui me demande à une heure pareille? Monsieur Rouletabille. Ah, Rouletabille? Ben, vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Allez, Clara, faites entrer tout de suite ce monsieur. Allez, au galop, au galop. Bien, monsieur. Sinclair, mon cher Sinclair. Vous avez lu le journal? Hein? Quel journal? Je suis encore dans mon lit, mon vieux. Mais celui-ci, celui-ci, tenez, le matin, regardez. Gros titre en première page, drame au château du Glandier, le mystère de la chambre jaune. Non, j'ai seulement parcouru l'article d'hier, je me souviens très bien, on y évoquait le drame du Glandier, mais il n'y avait pas une seule ligne sur le comment vous avez dit? Le mystère de la chambre jaune. Écoutez, Joe, soyez gentil, asseyez-vous, vous me donnez le mal de mer. Vous voulez une tasse de café? Impossible, Sinclair, il faut que je parte. Ah bon? Mais vous allez où? Mais comment où je vais? Comment où je vais? Je vais au château du Glandier, bien sûr. Mais asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord, j'ai menti. J'ai lu le journal d'aujourd'hui. Ah. Bah oui, parce que Clara le pose toujours sur ma table de nuit avant de me porter mon petit déjeuner. Il n'y a toujours pas de café. Bon. Eh bien, au moment où vous vous êtes fait annoncer d'une façon intempestive, je me disais que je n'allais pas tarder à vous voir. Et je suis là. Et un peu là. Voilà. Alors, cette chambre jaune, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, le crime a été commis d'une façon diabolique, c'est à n'y rien comprendre. Enfin, soyons sérieux, Joseph. Je reconnais que votre confrère du matin a bigrement forcé la note en ce qui concerne le mystère. Il a collé de l'étrange partout et sans doute là où il n'y en avait probablement pas. Bref, il a écrit son article comme on retient son souffle. Mais cela dit, vous prenez l'affaire par n'importe quel bout, elle paraît insoluble. Ah, mon cher Sinclair, je ne crois pas beaucoup aux assassins qui passent à travers les murs. Non, le passe-muraille est une vue de l'esprit, voyez-vous. Ouais. Alors, comment expliquer l'énigme? Je vous ai dit que pour l'instant, je ne savais pas. Enfin, mademoiselle Stangerson, attaquée sauvagement et grièvement blessée dans une chambre fermée de l'intérieur. Bah oui, Sinclair, fermée de l'intérieur. Devant la fenêtre se trouve un premier témoin, le père Jacques. Devant la porte, toujours à l'extérieur, un second témoin, le professeur Stangerson, le père de la victime. Or, ces deux hommes continuent à entendre les cris de terreur poussés par la jeune fille. Unissant leurs efforts, Jacques et Stangerson enfoncent la porte. Mathilde est seule, la pièce est vide. Vous oubliez une multitude de détails. Ah, pas du tout. Ah, mais quand les deux hommes pénètrent dans la chambre, les tables et les chaises sont renversées. Mademoiselle Stangerson porte au cou des traces de griffes. A-t-on voulu l'étrangler, ça? Elle porte également un trou sanglant à la tempe, à la tempe droite. On a volé le revolver du père Jacques et il y a également une trace sanglante étalée sur le mur. La main de l'assassin. Alors là, mon cher Rouletabille... Alors tout ça pour vous dire que j'attends avec impatience le résultat de l'enquête du juge chargé de l'instruction. Pensez, il va faire procéder à des sondages des murs, des parquets, et j'espère que nous ne tarderons pas à savoir par quelle trappe ou par quelle porte secrète ou par quel souterrain l'assassin, si c'est le père Jacques, a pu se glisser pour revenir immédiatement dans le laboratoire. Et ceci face à la porte fermée de la chambre et sans que le professeur ait eu le temps de s'apercevoir de quoi que ce soit. Bravo. Bravo. Oh, c'est prodigieux. Ah si, ah si, prodigieux. D'ici, de Paris, simplement, en réfléchissant posément au problème, le célèbre Rouletabille l'a déjà résolu. Et vous avez marché, hein? Et vous avez écouté. Et il ne vous est pas venu une seconde à l'esprit que je me faisais l'écho de l'explication toute prête qu'on a livrée aux imbéciles et aux gogos. Vous avez pu imaginer Rouletabille prenant à son compte un pareil Himalaya de sottise. Allez, levez-vous, Sinclair, habillez-vous, je vous emmène. Ah oui, non, mais... Ne vous faites pas tirer l'oreille, je vous en prie. D'ailleurs, nous continuerons à bavarder pendant que vous vous préparez. Joseph, Dieu sait que je vous aime bien, mais vous êtes envahissant. Je vous attends, pressez-vous. Oh, bon, écoutez, alors là, vraiment, j'ai horreur de... Bon, ben, je me dépêche. Quand je pense... Quand je pense que vous êtes avocat... Oh, alors ça, vous dites ça sur un ton qui ne me plaît pas du tout. Hein. Ah, je ne doute pas un seul instant de votre talent à faire acquitter des coupables quand je vous vois plonger tête baissée dans le Paris Sornette. Joseph, vous êtes insolent avec la magistrature. Et je frémis en pensant que si vous devenez un jour magistrat-instructeur, vous ferez condamner des innocents avec la même tranquillité d'esprit. Et maintenant, vous êtes insolent avec la magistrature. Eh bien, levez-vous. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà votre robe de chambre. Allez. Merci. Bon. Vous avez l'air merveilleusement inspiré, mon cher Sinclair. Mais en fait, vous cherchez quoi, là? Ben, je cherche mes pantoufles. Je les avais il n'y a pas 10 minutes. Mais elles sont à vos pieds, mon cher maître. Ah bon? Oui, ben alors là, c'est votre faute. Comment ça? Ah ben oui, je suis désolé, Rouletabille. Vous entrez chez moi comme un ouragan alors que le soleil est même pas levé. Vous bousculez ma femme de chambre. Vous renversez mon petit déjeuner. Puis ensuite, vous insultez le corps admirable auquel j'appartiens. Uniquement parce que j'ai souscrit trop vite et de confiance à vos élucubrations, que d'ailleurs je n'écoutais pas. Alors là, je vous le dis tout de suite et nettement, Joseph, trop, c'est trop. Je suis un vrai cochon. Oh ben non, non, là c'est peut-être quand même un peu exagéré, tout de suite un vrai cochon, comme vous y allez. Je suis un vrai cochon, vous dis-je. Je sens la truffe. Ah, Sinclair, prêtez-moi toute votre attention et mettez-vous ça dans la tête. Oui. On ne trouvera aucune trappe et le mystère de la chambre jaune deviendra de plus en plus mystérieux. Et voilà pourquoi il m'intéresse. Le juge d'instruction a raison quand il déclare on n'aura jamais vu quelque chose de plus étrange que ce crime-là. Ah. Et vous? Vous avez une idée du chemin qu'a emprunté l'assassin pour s'enfuir? Moi? Aucune idée. Aucune idée, pour l'instant. Ouais. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous avez perdu quelque chose? Ah oui, j'ai perdu mes chaussettes. Mais aucune importance. Mettez les miennes. Ah bah oui, et alors, et vous? Le temps de les retrouver, je mettrai les vôtres. D'ailleurs, tenez, les voilà. Ça vous arrive souvent de les mettre dans le vase de Chine? Oh, c'est beau. Sinclair, en ce qui concerne le glandier, j'ai déjà ma petite idée sur le revolver. Oui, il n'a pas servi à l'assassin. Ah bon? Ben alors, il a servi à qui? À mademoiselle Stangerson, à la victime. Alors là, je ne comprends pas. Mais j'irai même plus loin, je n'ai jamais compris. Tenez, voilà le chausse-pied. Ah, le chausse-pied, oui. Mais non, ne le mettez pas dans votre poche. C'est pour vos chaussures. Oh, écoutez, Joseph, si vous arrêtiez de me bousculer. Mon cher, si vous aviez lu attentivement l'article du matin, ça vous aurait frappé. Oh, je vous en prie. Rien ne vous a troublé? Encore une fois, non. J'ai trouvé tout ce qui était écrit extrêmement bizarre, c'est tout. Bon, vous permettez, je vais me brosser les dents. Mais oui, brossez-vous. Laissez la porte ouverte que nous puissions continuer à bavarder. Oui. La porte! Par quoi la porte, elle est ouverte? C'est bien ce que vous m'avez demandé. Et non, je parle pas de la vôtre. Je parle de celle de la chambre jaune. Ah ouais? Et alors? Elle était fermée à clé. Ah mais ça, c'est le seul fait qui ne soit pas bizarre. Ah vraiment? Et le verrou? Ah! Quel verrou? Le verrou poussé de l'intérieur. Ça vous dit rien, ça? Un verrou poussé de l'intérieur? Vous trouvez pas que Mademoiselle Stangerson prend bien des précautions lorsqu'elle couche dans la chambre contiguë au laboratoire de son père? Comment? Elle ferme à clé, pousse le verrou, emprunte le revolver du père Jacques sans le lui dire. À l'évidence, elle craint quelque chose ou quelqu'un. Alors bien sûr, elle ne veut effrayer personne, et surtout pas son père. Et ce qu'elle redoute arrive. Mais dites, vous m'entendez, Sinclair? Mais je pense bien que vous entendez, j'entends même que vous. Bon. Bon, si je comprends bien, selon vous, ce serait Mademoiselle Stangerson qui aurait tiré pour se défendre. Mais exactement. C'est vrai que le journal parle de blessure à la tempe et de détonation. Mais il ne fait pas le rapprochement entre les deux faits. Ouais. Ah, tiens, zut, le café est froid. Et pourtant, c'est bien la fille du professeur qui a tiré pendant que son agresseur cherchait à l'assommer après avoir vainement tenté de l'étrangler. Ouais. Et ça vous mène où, tout ça? Écoutez, l'assassin devait savoir que le grenier était habité par le père Jacques. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, il a voulu opérer avec une arme de silence. Une matraque. Un marteau. Ouais. Seulement, on tourne en rond, mon bon ami. Mais pourquoi dites-vous ça? Mais je vous dis ça parce que nous ne savons toujours pas comment l'assassin est sorti de la chambre jaune. Sans doute aussi simplement que vous êtes sorti de la vôtre il y a une minute. Et alors, mon petit Joseph, vous êtes fou, vous dites n'importe quoi. Et vous, mon bon maître, vous n'avez mis qu'une chaussette. Hein? L'autre, l'autre est dans votre poche pochette. Oh. Ah, même pour circuler en Ile-de-France, il est recommandé de mettre deux chaussettes. Alors là, je vais vous dire, Rouletabille, vous m'agacez. Allez, je vous agace, mais dépêchez-vous si vous voulez percer le mystère de la chambre jaune. Il faut que nous nous rendions au Glandier. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu vous chercher de si bon matin. Eh ben voilà, deux chaussettes identiques et deux chaussures semblables. Quoi? Vous avez dit quoi? Vous voulez quoi? Que vous soyez près de moi au château du Glandier, j'ai besoin de vous. Mon journal L'Époque, qui n'a rien à voir avec cette feuille de chou du matin, m'a chargé définitivement d'élucider l'affaire, et naturellement, dans les plus brefs délais. Mais nom d'un petit bonhomme, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Je vous le dirai, en nous rendant à la gare d'Orléans. Bon, bon, bah, Clara! Clara! Oui, monsieur. Clara, mon petit, vous êtes gentil. Vous remettez de l'ordre dans tout l'appartement, puis alors vous décommandez tous mes rendez-vous. Voilà. Monsieur revient quand? Ah, alors là, si je le savais, ma bonne Clara. Bon, bah, allez, filez. Bien, monsieur. Et maintenant, à la gare! Voilà. Sinclair, votre chapeau! Qu'est-ce qu'il a, mon chapeau? Mettez-le! Oui. Et rendez-moi ma casquette. Oh, pardon! Allez. Joseph, par pitié, moins vite! Allons-y. Pas une minute à perdre, je ne veux pas manquer le train. Attendez, cocher! Cocher! Hola! Hola! Doucement, Seigneur! Doucement, mon grand! Oui, messieurs, à la gare d'Orléans, cocher, le plus vite possible. Allons-y vite, montez! Montez! Oh mon cher, c'est incroyable. Ah, vous avez un souffle inépuisable. Ça, je viens à peine d'ouvrir un œil, je suis déjà épuisé. C'est fou. C'est complètement fou. Udon, César! Udon, mon pépère! Il appelle Pépère un des plus grands noms de l'Empire romain. Eh, dame, c'est que mon César n'est pas en Jules, mon bon monsieur. Oh, oh, 5 francs pour vous si vous le faites aller au trot. Eh ben, c'est-y que vous voudriez lui faire passer le Rubicon à mon César. Bravo, cocher. Vous êtes un érudit. Aujourd'hui, et compte tenu de la crise, on peut être cocher sans déchoir. Et pas forcément un imbécile. Et voilà, bien répondu, cocher. Vous aurez vos 5 francs. Et vous, vous irez au trot. Allez, hop. Et tout ça ne me dit pas pourquoi je me trouve ici et embarqué à vos côtés dans cette affaire de Glandier. Mais où je vous dise, Joseph, vous êtes un ouragan, une tempête, pire, un maelstrom. Rien de tel pour pimenter la vie, mon bon maître. Mais enfin, écoutez, moi je suis avocat, je suis votre ami, c'est une affaire entendue, mais enfin je suis avocat, je suis pas journaliste. Ah non. Je ne suis pas détective. Encore moins. Je n'ai rien d'un fin limier. Mais Dieu merci, autrement je serais obligé de vous considérer comme un concurrent. Ben alors. Mais c'est pas l'homme de robe que je prie de me suivre. Ah non? Non, c'est l'ami que j'emmène. C'est l'ami dont j'ai besoin. Ben vous m'auriez dit ça tout de suite, on aurait gagné un temps fou. Eh ben disposez de moi, d'ailleurs vous ne faites pas autre chose depuis une heure. Sinclair, Robert Darzac est au château du Glandier. Ah, c'est vrai. Le pauvre Darzac, pauvre ami. Oh, il doit être au désespoir. Ah, ça, c'est un drame affreux hein, pour lui. Mmh. Une situation déchirante. Oui, mais seulement, je vous parlerai pas. Oh, vous ne voyez pas. Vous êtes charmant. Oh. Écoutez, vous connaissez bien Darzac, il faut absolument que je lui parle. Et vous voulez que... Oui. Enfin, vous croyez à quelque chose d'intéressant ah, de ce côté-là? Ah oui, ma main a coupé. Ah, et mon rôle à moi là-dedans? Oh, décidément. Vous n'avez aucune imagination, mon cher maître. Bon, enfin, vous m'insultez en plus. Comment avez-vous, racontez-moi, comment avez-vous connu Darzac? Comment je l'ai connu? Ah bah disons que je lui ai rendu un service, oui, un service d'ordre juridique. Oh, c'est une cause parfaitement honorable d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis de plus, vous le savez, Darzac est intimement lié avec les Stangerson. Enfin, ça fait... Ah oui, ça fait 7 ans qu'il fait une cour assidue à Mathilde Stangerson et leurs fiançailles sont toutes récentes. Un indécis, en somme. Ah non, pas vraiment, non, non. Mais ben, ça, intimide à coup sûr. De quoi a-t-il l'air? Mais... la quarantaine agréable. Oh, un vieux, quoi. Hé, hey, Joseph, doucement, hein, tout doucement. Parce que j'ai sensiblement le même âge que Darzac. Alors, pitié pour les vieux que nous sommes, hein. Et comme de toute façon, vous avez sûrement quelque chose à lui demander. Touché. Vous lui avez rendu service. Il vous rendra le service de me rendre service. Ce qui, entre nous, pourrait bien lui rendre service, vu. Ah non, rien du tout. Non, alors là, je comprends rien du tout. Non, toutefois, dans l'état où il se trouve, je ne pense pas que ce soit le moment idéal pour lui demander une faveur, enfin, le mettre à contribution, enfin, si j'étais à sa place... Mais ah oui, mais vous n'êtes pas à sa place, Sinclair, et vous pataugez dans un océan d'argusies fallacieuses. Cela dit, n'enviez pas la place de Darzac, hein, pour le moment, elle n'a rien de plaisant, d'ailleurs. Je vais vous dire une chose, c'est pas ça qui me préoccupe. Ah bon? Non. Parce que vous avez aussi une idée sur la condition de l'assassin. Ah oui, et je le crois homme du monde. Sinon d'une classe relativement élevée. Remarquez, Sinclair, il ne s'agit que d'une première impression. C'est vrai, et il faut toujours se méfier d'une première impression. Ah bon, pourquoi? Ah ben, parce que c'est la bonne. Ah bon. Oui, mais qu'est-ce qui a étayé cette première impression? Oh, mais vous m'avez bien dit que vous aviez lu le journal. Oui, et alors? Ben écoutez, Sinclair, vous me marrez. Oh, allez-y, dites-moi encore une fois ce que je n'ai pas remarqué. Mais simplement les traces laissées par l'assassin. Les traces? Eh oui, elles ne vous donnent pas à réfléchir. Oui. Ah, pas une seconde. Voyons, mon bon maître. Un béret crasseux. Un béret crasseux. Un vulgaire mouchoir de grosse toile. Oui. Et les traces grossières de chaussures sur le plancher. Ah bah oui, bah j'ai compris, bien sûr. Bah oui, bien sûr, on ne laisse pas autant de traces derrière soi quand elles sont l'expression de la vérité. Voulez-vous que je vous dise autre chose? Si les petits cochons ne vous mangent pas, je ne désespère pas de faire de vous un grand criminologue. Ouais, bah vous êtes bien gentil, mais j'ai l'impression là que vous allez un peu loin. Oh là! Là, César, doucement, doucement. Voici la gare d'Orléans, messieurs. Ah. C'est 16h à trotter, et vous êtes à l'heure. Merci, cocher, nous avons juste le temps de sauter dans le train. Vous m'aviez promis 5 francs. Oui, vous les aurez. Sinclair, donnez donc une pièce de 5 francs à cet érudit. Mais... Pendant ce temps-là, je m'occupe des billets. Enfin, 5 francs, c'est... Rendez-vous sous l'horloge, hein? Et pressez-vous! Bon, et dire que je me fais avoir à tous les coups, c'est pas possible. Voilà vos 5 francs, cocher. Merci beaucoup, mon prince! Ah. Allez, viens! César! Allez! Allez, hop! S'il vous plaît, monsieur, le train d'Épinay-sur-Orge. On vient de l'annoncer, monsieur. Voie 4 en face de l'horloge. Départ dans 2 minutes. Ah bon, merci. Merci. Sinclair ! Oui ! Sinclair ! C'est par ici. Vous avez les billets ? Oui, bien sûr. Bon, bah, avançons, qu'est-ce que vous attendez ? Oh, ben, je voudrais bien trouver une place assise, moi. Vous l'aurez. Au besoin, sur mes genoux. Impétueux flemmard. Ah, là-dessus, il faut absolument que je mette la main sur le juge d'instruction du tribunal de Corbeil, le juge de Marquet. Ah bon? Mais comment savez-vous qu'il est dans le train? Une indiscrétion qui m'a coûté un peu de monnaie. Ah oui, moi aussi, j'ai mes indicateurs. J'ai su qu'il se rendait ce matin au Glandier. Il faut absolument que je lui tire les vers du nez. Rouletabille, vous êtes un incorrigible optimiste. Pourquoi ? Non, écoutez, pensez-vous sérieusement que sur le vu de votre petit air, monsieur je sais tout, un magistrat aussi sévère et aussi important que monsieur de Marquet va vous faire des révélations concernant l'affaire du Glandier ? Mon cher Sinclair, je vais beaucoup plus loin, non seulement je le pense, mais j'en suis persuadé. Eh bien alors, je vais vous dire, vous êtes fou. Fou allié, parce... Et les chevilles, ça va, mon petit Rouletabille ? Parce que la vantardise vous perdra, mon vieux. 10 contre 1. Vous êtes bien sûr de vous. Ah, je maintiens, 10 contre 1. J'ai plus d'un tour dans mon sac, vous savez. Oui, mais enfin, devant un juge d'instruction. Mais j'ai une main pleine d'atouts, à moins de les jouer avec discernement. Enfin, un peu de clarté, Rouletabille. Quels sont ces atouts dont vous vous gargarisez? Attendez, ce compartiment-là... Ah oui. Non, il est plein. Ah bon. Oui, mais je vais vous répondre. Sous le couvert d'un strict incognito, le sévère juge de Marquet devient tous les soirs sur le coup de 10h un auteur de revue à la mode. Non, c'est pas possible. Mais comment c'est pas possible? Mais... Il signe les livrets sous un pseudonyme Castigat Ridindo. Mais il serait sûrement plus à l'esprit Conti que des orfèvres. Et il se trouve que l'on donnait hier la répétition générale de sa dernière revue à la Scala. Oh, c'est pas vrai. Et puisque je vous le dis... Oh! Viens t'asseoir sur mes genoux, c'est... Cette revue déshabillée, c'est de lui? Pour le livret, oui. Cette revue? Une revue de détail, je vous l'accorde, bon. Mais... Attendez. Le voilà. Il est en grande conversation avec son greffier, monsieur Malène. Suivons-les tous. Allez. Voici notre compartiment, mon cher Malène. Pourvu que cet entrepreneur que nous avons commis ne nous démolisse pas avec sa pioche un aussi beau mystère. Vous n'ayez aucune crainte, monsieur le juge. Il démolira peut-être le pavillon, mais il laissera l'affaire intacte. Ah oui. Eh oui, j'ai tâté le plancher, sondé les murs, vérifié le plafond, et vous savez si je m'y connais. Eh bien. Eh bien, monsieur le juge, absolument rien. Soyez tranquille. Donc le mystère restera entier. Ah, entier. Complètement tout à fait entier, monsieur le juge. Je vous le promets. Bien. Oh, c'est fou, tu marches. Dieu que ces trains sont mal commandés. C'est bien mon avis. Chut, Bon, Malène, je compte absolument sur vous. Je ne veux en aucun cas être dérangé pendant le voyage. Pas de journaliste, personne. Greffier, mais Cerbère, monsieur Duge. Mais pas personne, comptez sur moi. Oui, enfin, si vous voulez, n'importe quoi. Ah, nous y voici. Venez, mon cher Sinclair. Ah non, je suis au regret, messieurs, mais ce compartiment est réservé. Réservé, je suis confus, j'avais pas remarqué. Croyez bien que je suis désolé, monsieur. Permettez-moi de me présenter, Joseph Rouletabille, rédacteur en chef à l'Époque. J'aurais voulu dire un petit mot à monsieur de Marquet. Ah, mais c'est justement ce qui est impossible. Monsieur le juge de Marquet se refuse à toute déclaration, à plus forte raison, dans un wagon de chemin de fer. Vous devez comprendre, monsieur, que monsieur le juge de Marquet est très absorbé par son enquête. Quelle enquête ? Eh ben voyons, l'assassinat du château du Glandier. L'affaire du Glandier, il s'agit bien de ça. Mais non, ce qui me préoccupe est tout à fait différent. Je ne fais pas les chiens écrasés, moi, monsieur. Je suis le responsable de la chronique des spectacles. Vous comprenez ? Pas un mot, monsieur. Ben, enfin, monsieur de Marquet, dites quelque chose. C'est-à-dire que c'est extrêmement délicat, n'est-ce pas ? Mais voilà, il faut que je fasse un compte-rendu sur la représentation d'hier soir. La revue de la Scala, un énorme succès. Oui, la revue de la Scala, oui, évidemment, oui. Alors là, c'est différent. Écoutez, Malène, soyez gentil, attendez dans le couloir. Bien, monsieur le juge. Merci. Voilà. Pardonnez-lui, monsieur le juge, j'ai forcé la consigne. Mais c'est pas au magistrat, vous l'avez compris, que je désire parler. C'est El Signor Castigadridendo qui m'intéresse. Taisez-vous, taisez-vous, malheureux, parlez moins fort. Oui. Si mal elle entendait. Oui. Je vous présente mon ami maître Sinclair du barreau de Paris. Oh, c'est une conspiration. Enchanté, maître. Mais je vous demande, au nom du conseil de l'ordre et du secret professionnel, de garder sur cette affaire. Mais vous avez ma parole. Oh, mais bien sûr, nous venions tous les deux vous féliciter pour votre beau succès d'hier soir. Oh, bon, vous savez. Écoutez. Non, succès, non. Je suis sensible, messieurs, mais mon modeste talent. Oh, modeste talent, comme vous y allez. Viens t'asseoir oui, sur mes genoux. Je te sens, tu me sens, c'est très doux. Oui, non, je vous en prie, êtes un véritable artiste, non, je vous dis. Incognito, monsieur, incognito, vous imaginez sans peine les répercussions que pourrait avoir l'essor sympathique de l'auteur à la mode sur la carrière austère du magistrat réputé. Mais c'est bien normal. Or, vous devez savoir qu'une affaire importante m'appelle à Épinay-sur-Orge. L'affaire du Glandier. Redoutable responsabilité. Oh, simple affaire de routine. Ah bon, vous pensez ? Oh, bien entendu. Le train express en direction d'Arcueil. Cachan. Bourg-la-Reine. Anthony. Massy. Longjumeau. Épinay-sur-Orge. En voiture pour le départ. Attention, fermez les portières, s'il vous plaît. Et voilà, le train part. La vérité est en marche, monsieur le juge. En effet, la vérité est en marche. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Reims. Aujourd'hui, premier épisode avec Rouletabille, Philippe Nicot. Sinclair, Philippe de Reims. Malène, Yves Pénon. Clara, Daniel Danjou. De Marquet, Roger Carrel. Le cocher, Gaëtan Genre. Et les voix de Jacques Maire, Georges Lucas, Michel Amiel. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 1er août 1983. À suivre, demain à la même heure, et d'ici là, réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.